merci. Merci de votre invitation d'abord à tous. Je vais essayer de synthétiser puisque beaucoup de choses ont été dites. Donc je vais essayer de faire quelques rappels un peu sur l'histoire immédiate. Tout d'abord rappeler une définition peut-être de ce que... Alors moi j'appelle l'histoire immédiate en me replaçant dans l'héritage de ce que je fais en tant qu'historien depuis le début de ma carrière, puisque, pour faire un tout petit peu d'égo-histoire, j'ai commencé en 1991, l'année où j'ai eu l'agrégation, un mois après l'agrégation, je choisissais un sujet de thèse qui s'arrêtait en 1991. Donc je rentrais dans l'histoire immédiate de facto, sous la direction de celui qui venait de créer les cahiers d'histoire immédiate, Jean-François Soulet, à Toulouse, et donc il avait défini l'histoire immédiate comme la partie terminale de l'histoire contemporaine, hein, tout simplement, celle qui inclut les 30 dernières années. Alors, cette définition est une définition inclusive, c'est-à-dire qui place d'emblée l'histoire immédiate dans l'histoire contemporaine. Pourquoi faire cette spécificité? Son point de vue était simple. On était dans une période où il y avait une très forte critique sur la problématique des archives publiques. On ne pouvait pas faire cette histoire parce que la loi Favier de 79 empêchait de consulter les archives produites dans les 30 dernières années. Donc lui disait tout simplement, il faut sortir de ce diktat des 30 ans, de cette loi trentenaire sur les archives publiques, et on ne fait pas que de l'histoire à partir des archives publiques. Voilà un peu quelle était la problématique. Alors il ajoutait un certain nombre de choses, auxquelles je reprends ici, puisque je dirige maintenant la revue qu'il avait créée, c'est que la caractéristique de ces 30 dernières années, c'est qu'on a des témoins vivants que l'on peut interroger, qui constituent les corpus d'histoire orale, dont il a été question très largement tout à l'heure et sur lequel je ne reviendrai pas. Puis il mettait un bémol, restons lucides tout de même, nous ne pouvons pas tout faire. Soyons conscients de nos propres limites, il y a des choses que l'historien ne pourra pas traiter pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de source. Et quand il n'y a pas de source, l'historien il ne traite pas son objet, son sujet, où il émet des hypothèses et il parle conditionnel. Mais la posture était simple, elle consiste à dire est-ce que c'est bien différent pour un collègue qui travaille en histoire ancienne, en histoire médiévale, en histoire moderne? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la documentation archivistique de nos collègues? Ils sont peut-être encore plus importants que pour l'histoire très contemporaine. Voilà, le postulat était là, et donc depuis, j'expérimente au quotidien cette histoire. C'est un peu de cela dont je vais vous parler autour de quatre points très rapides. Sur lesquels je voudrais revenir, la posture méthodologique de l'historien, dans un premier temps. Je reviendrai sur la question des sources, en l'appliquant aux périodes d'aujourd'hui, qui semble poser problème, le problème de la demande sociale, et puis je terminerai par une conclusion sur les problèmes de chronologie, périodicité, qui sont le cœur de notre métier. Alors, sur la posture méthodologique de l'historien, rapidement, je dirais que notre métier en histoire d'historien, l'historien de l'immédiat ne se différencie pas de ses collègues des autres périodes. Notre métier, c'est quoi, finalement, en tant que chercheur? C'est de porter l'administration de la preuve de ce que nous montrons, de ce que nous décrivons et de ce que nous essayons ensuite d'expliquer. L'administration de la preuve, nous allons la chercher où? Nous, historiens, dans les documents qui viennent du passé, tous. Avec une spécificité, c'est que nous avons cette mauvaise habitude, disent nos collègues des autres disciplines, de croiser, de multiplier nos sources. Je vous donnerai quelques petits exemples, mais quand on travaille dans des programmes de recherche collectifs avec d'autres disciplines, et je donnerai un exemple, quand j'étais à Nantes, j'ai participé à une ANR avec nos collègues géographes, qui s'appelait GECOP. Projet de l'Agence nationale de la recherche, qui était une histoire qui portait sur les ports, la gouvernance des ports. Et nous avions été sollicités par nos collègues géographes, sociologues, politologues, juristes, qui travaillaient dans cette ANR, qui nous ont dit, on voudrait savoir un peu quand même comment ça s'est passé depuis 30 ans. Voilà. Comment la gouvernance des ports a-t-elle évolué? Et on travaillait à Nantes avec un centre qui s'appelle le Centre d'histoire du travail, dans lequel il y a des sources d'archives sociales. On avait des programmes d'histoire sociale à ce moment-là, sur les mouvements sociaux. Nous, on a dit, oui, très bien, on va faire cette histoire, on va s'inspirer de la bibliographie, on va aller voir, appliquer aux géographe avait choisi quelques ports, donc on a travaillé sur ces ports. Et puis, bon, tout de suite, nos collègues nous ont dit, bon, voilà, on va faire des enquêtes de terrain, etc. Et puis, à telle date, à une année plus loin, on va faire un article dans telle revue, puis deux articles, puis trois articles, etc. Et nous, et vous, les historiens ? Oula, on leur a dit, attendez, soyons patients. Nous allons interroger, on va travailler sur les dockers, puisque plus qu'on travaille sur les conflits sociaux dans les ports, on va aller voir les dockers, on va les interroger, on va retranscrire leurs entretiens, on va leur demander l'autorisation de les utiliser. Et quand on aura fait cela, nous, on va aller chercher des archives publiques, des renseignements généraux éventuellement pour voir ce qu'ils pensent des dockers. On a les archives syndicales, mais il faut les classer, excusez-nous, on va prendre un peu de temps pour les classer. Et puis ensuite, on va les lire, et puis on va les dépouiller, et après on va croiser tout ça, etc. Donc, et ils nous ont regardé, ils nous ont dit, mais non, non, ça va pas du tout votre affaire là, parce que vous allez passer combien de temps ? Oh, ben, beaucoup. Mais les 3 ans de l'ANR, ça va vous suffire ? Pas sûr. Alors, on a fait un article, deux articles, bien évidemment, en valorisant ce travail. Mais le livre qui, nous, historiens, nous intéresse, il sort, le programme a commencé en 2010, il sort ces jours-ci, en 2017. Voilà. Donc, c'est de l'histoire immédiate, hein, puisque c'est un livre qui porte sur la période des années 90 aux années 2005-2006. Donc, on est vraiment, même 2010, donc on est vraiment sur l'histoire immédiate. Mais notre temps de l'historien, il est là. C'est-à-dire que nous prenons le temps de dépouiller nos sources. Hein, et nous n'allons pas trop nous précipiter, on y reviendra quand je parlerai de la demande sociale. Donc je crois que c'est important, hein, d'avoir en tête que notre approche de la source historique, cette administration de la preuve qu'on nous demande, nous, historiens, nous ne nous contentons pas de 3 entretiens, nous ne nous contentons pas de la presse, nous ne nous contentons pas d'un fonds privé. Il va falloir aller voir le fonds public à côté, il va falloir aller voir toute une série de documents qui nous permettent de croiser nos sources. Et je suis frappé dans les soutenances de thèse, puisque je travaille aujourd'hui un peu plus sur... Enfin, j'ai toujours travaillé sur l'histoire politique, mais un peu, et Noéline Castagnès le sait, sur le socialisme. Systématiquement, quand il y a une soutenance de thèse, le discours récurrent qui revient, c'est de dire « On est très impressionné par le volume d'archives que vous avez dépouillé et le nombre de centres de recherche dans lesquels vous avez été. Les archives nationales, les archives départementales, la Fondation Jean Jaurès, l'Ours, le Centre d'histoire du travail, etc. etc. » Et on les multiplie. Et oui, parce que qu'est-ce que cherche l'historien ? C'est toujours cette pluralité de sources. Et donc, l'historien, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois que c'est important, par rapport à l'anthropologue, dont on va chercher les méthodologies, par rapport au sociologue avec lequel on travaille, par rapport au géographe, la grande différence disciplinaire, je crois qu'elle est là. Et l'historien de l'immédiat ne se dissocie pas des historiens des autres périodes. Nous sommes des historiens d'abord. Je crois que c'est important, vu d'un point de vue de la méthodologie. Les sources... Alors rapidement, je crois que les exemples que vous avez eus ont illustré cette diversité de sources et cette difficulté de l'approche des sources. Alors, en France, on a un problème, on s'est longtemps focalisé sur un problème, les archives publiques. Peut-on faire de l'histoire sans avoir accès aux archives publiques ? Cette fameuse limite des 30 ans, 25 ans, parfois 50, 60 ans, etc. Est-ce qu'on se pose... J'ai envie de vous... On pourrait retourner une question. J'ai toujours été frappé quand on parle de l'histoire de Vichy et que l'on parle des travaux de Robert Paxton. Robert Paxton publiquant ses premiers travaux, début des années 60 aux États-Unis. Est-ce qu'on se posait la question de savoir s'il faisait une histoire immédiate à partir d'archives publiques ? Et est-ce que quand il publie son ouvrage sur Vichy au début des années 70, la traduction française, au début des années 70, ce grand gap historiographique qui le reste. Alors, il n'a pas tout dit, il n'a pas tout fait. Et derrière, les travaux se sont multipliés. Mais il faisait de l'histoire immédiate. Quel était son recul ? 15 ans quand il a commencé, même pas. Si on prend la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a là un exemple classique de la possibilité de travailler en dehors des archives publiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les utiliser. Bien au contraire, elles sont des sources parmi d'autres. Et la caractéristique du temps présent, des périodes les plus récentes, c'est que la production documentaire est de plus en plus massive. On a de plus en plus de documents, on en a trop. Donc les archives publiques, ce sont des archives parmi d'autres, tout simplement. Donc Ce problème des 30 ans, je crois qu'il est important, et il est important de le démystifier un peu en France. Je crois qu'il y a encore ce mythe de cette pesanteur de ces législations qui n'existent pas ailleurs. On pourrait développer des tas d'exemples sur ce problème, sur ces problèmes-là. Bon, je ne vais pas développer. Si on prend l'exemple de mai 68, bon, cette année, vous savez, il y a un anniversaire de mai 68 qui arrive, qui se profile à l'horizon, 50 ans. Alors, bon, est-ce qu'on va pouvoir publier plus que ce qu'on a fait ces dernières années, ou lors des derniers anniversaires? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus aujourd'hui? Est-ce que l'ouverture de certaines archives publiques qui étaient fermées jusqu'à maintenant va nous apprendre davantage que ce que l'on sait déjà? Je ne sais pas. Nous verrons. Mais je suis un peu sceptique. Hein. Juste un point sur les sources les plus récentes d'aujourd'hui qui semblent nous poser problème, qui semblent poser des problèmes. La dématérialisation du papier et l'usage des sources numériques. La déferlante du numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux. Comment va-t-on traiter Twitter demain en tant qu'historien? Bon, voilà, question. Comment pourra-t-on comprendre les relations épistolaires? Quand on avait des documents papier, des lettres bien conservées, c'était très bien. Aujourd'hui, les jeunes qui échangent à travers leurs réseaux sociaux à une vitesse que nous ne mesurons pas et que, avec des documents qui plus est éphémères, puisque des fois... Il y a des réseaux sociaux qui permettent d'envoyer des messages qui s'effacent automatiquement ou rapidement. Bon, quelle est la portée, quelle va être pour nous la compréhension de ces phénomènes quand il s'agira d'arriver comme historien pour comprendre tout ça? Bon. Voilà. Est-ce que c'est un problème? Alors, aujourd'hui, il y a un petit vent de panique, hein, y compris pour les historiens du politique qui s'intéressent surtout à l'époque contemporaine. Oui, parce que bah, les mails, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les SMS, on nous dit les présidents de la République sont friands d'SMS. Bon, c'était bien commode quand il y avait des notes en marge de documents administratifs. Aujourd'hui, il paraît que certains présidents envoient un SMS à leurs conseillers sans plus rien écrire sur les documents qui leur sont soumis. Ou ils reçoivent un document pour certains sur leur téléphone portable et à partir de leur téléphone portable, il y a une réponse. Le téléphone, une fois qu'il aura disparu, est-ce qu'il y a une mémoire de tout ça? C'est un peu déstabilisant de se dire que l'on vit une société sur le qui nous bouscule dans nos repères classiques. Et c'est le problème de l'historien de l'immédiat. Alors, d'abord, il faut toujours se poser une question. Je pense que pour nous, historiens, c'est plus facile que pour d'autres disciplines. Est-ce que cela n'est pas déjà arrivé à d'autres époques, en d'autres temps? Quand la radio a commencé à fonctionner, quand le téléphone a commencé à fonctionner. Alors peut-être que nos collègues historiens de ces temps-là ne se posaient pas la question, mais ces sources-là, leur trace, elle peut avoir disparu, elle peut s'être maintenue, elle peut être utilisée, etc., etc. On a des pertes, on a des lacunes sur les premières photographies, mais il nous en reste quelques-unes, hein, que l'on utilise pour le 19e siècle, pour le 20e siècle. Il est fort à parier que tous ces outils numériques qui déferlent sur nous et qui nous impressionnent par leur côté quantitatif, hein, c'est vraiment une avalanche qui nous tombe dessus, on a un peu de mal à savoir comment l'appréhender. Je dirais que c'est un problème d'archivistique aujourd'hui. Hein. Je crois que là, par contre, l'historien de l'immédiat, il doit se tourner vers les archivistes pour savoir ce que l'on peut faire et comment on pourra avoir usage de ces sources-là, hein, qui viendront demain et que certains commencent à utiliser, et qu'ensuite, face à la source, bah, quand on y a accès aujourd'hui, il faut multiplier les approches critiques, tout simplement, hein, faire du commentaire de texte. Et puis voilà, je vais vite, mais c'est un peu ça. Hein, la logique, elle est un peu là. Alors, la question de l'archivage, oui, pose problème, effectivement. Ces sources, est-ce qu'on pourra continuer à les lire parce que les systèmes informatiques évoluent, et puis parce que peut-être ce qu'on peut lire aujourd'hui sur un ordinateur, demain, on ne pourra plus. Comment les convertir? On ne fera plus de tirage de papier pour toute une série de raisons. Mais comment travaillera-t-on sur les périodes que nous sommes en train de traverser? Il y a une réflexion à avoir, mais qui relève pas que du travail de l'historien. Ces sources-là ne doivent pas non plus nous... ne doit pas être un regard trop focalisé. On ne doit pas focaliser trop notre regard là-dessus. Hein. C'est-à-dire, elles ne doivent pas relever d'un miroir déformant de ce qu'est l'histoire immédiate que nous devons faire aujourd'hui, y compris sur les périodes les plus récentes. Tout ne passe pas par Internet aujourd'hui. Attention. Je donnerai un petit exemple. Je travaille dans mon université, nous avons un contrat de recherche avec une entreprise pour laquelle nous travaillons, qui s'appelle l'entreprise d'Artigalong, qui est une maison de négoce d'Armagnac, basée à Nogaro, dans le sud-ouest. Une maison privée, qui a une PME aujourd'hui. Nous avons toutes les archives de 1830 à nos jours. Nous avons il y a un hangar, deux greniers, plein d'archives. Une histoire familiale et une histoire d'entreprise extraordinaire. Toute la correspondance, tous les livres de compte, tous les courriers envoyés avec les correspondants, les négociants, toutes des doubles de courriers, des cartes postales, des photos de famille, les vieilles publicités. C'est une famille qui garde tout. Tout, y compris les talons de chèques faits avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. On a tout. Alors, en contrat de recherche, on classe en partie leurs archives et on travaille sur l'histoire de l'entreprise. Et donc, on fait une réflexion sur les sources parce qu'ils veulent, eux, pour des raisons commerciales, ils veulent en savoir un peu plus sur leur histoire puisque c'est un argument de vente et de commerce. Donc, il y a un certain nombre de choses. Mais nous, on réfléchit aussi à ce patrimoine-là archivistique. Et on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Leur campagne de communication, leur réseau de correspondants, leur comptabilité. Ils nous laissent accéder à tout, en toute transparence, ce qui est formidable. On s'est dit, avec les 2-3 collègues avec lesquels on travaille là-dessus, peut-être que pour la période des années 2000 à nos jours, d'abord, de nous cacher des choses, on ne les cache pas, mais peut-être qu'on va avoir du mal. Les livres de compte, ils ne sont plus manuscrits, c'est des fichiers Excel. Pour certains, ils sont imprimés. On a les bilans. On a les notes. Bon, est-ce que c'est bien différent? Les correspondances, on en a moins. Confessons qu'on en a moins. D'abord parce qu'on écrit moins qu'au 19e siècle, hein, ou au début du 20e siècle. Mais les mails les plus importants, on les a. C'est vrai qu'ils les impriment. Ils en gardent la trace, y compris aujourd'hui. Ce qui manque peut-être, ce sont quelques correspondances téléphoniques. Qu'on compense par des interviews, par la mémoire, aujourd'hui. Mais les campagnes de communication, ce qu'on appelle les campagnes de communication, la publicité de la fin du 19e, du milieu du 20e, ou d'aujourd'hui, toutes les traces sont conservées. C'est juste le souci de conservation familiale qui fait que nous pouvons faire cette histoire et qu'elle est finalement très peu différente de celle que l'on fait pour le 19e siècle, le milieu du 20e ou la fin du 20e. On est à peu près sur les mêmes bords. Tout simplement, on est tombé sur un joyau et qui nous montre que finalement, cette histoire, on peut la faire. On peut la faire de la même façon, même si l'approche critique n'est pas la même. Bien évidemment, quand il y a la construction du site internet avec des petits films qui sont faits, on n'analyse pas de la même façon que la pub qui était faite à la main sur chaque étiquette de bouteille à la fin du 19e siècle. C'est évident. Mais on a nos méthodologies qui évoluent, qui changent, mais on travaille un peu pareil. Troisième point, la demande sociale, pour répondre à la question qui a été posée, et en écho à ce qui a été dit sur le Brésil, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je dirais une chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, on est soumis à une pression qui est celle du résultat rapide. Ce n'est pas forcément spécifique à l'histoire immédiate, mais la demande sociale, elle est un peu là aujourd'hui. Elle est là pour au moins 2-3 raisons, je dirais qu'ils sont plus institutionnels que scientifiques. Dans nos universités, les jeunes chercheurs sont tout de même soumis aujourd'hui à une pression forte, mais c'est valable pour toutes les périodes de l'histoire, mais je pense qu'il faut le dire, qui est celle du résultat de la production scientifique par l'approche bibliométrique, tout simplement. Et donc il y a une pression aujourd'hui qui se fait d'aller vers une production scientifique rapide, c'est une pression éditoriale. Alors, dans les petites universités, c'est particulièrement vrai. Quand moi, mon vice-président vient me voir en me disant « Attention, sur Scopus et Web of Science, vous n'apparaissez pas, ou pas assez, il faut produire. Vous allez dans telle revue et vous produisez, vous débrouillez. » Et c'est pas que le président de l'université qui me le dit parce qu'il est scientifique, matheux, etc. C'est aussi aujourd'hui le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui commande à un cabinet privé un état des SHS pour la région Nouvelle-Aquitaine et qui fait une grande messe pour présenter à tous les représentants des SHS les résultats, bien en dessous de ceux des scientifiques. Attention, SHS, ça ne va pas du tout. Vous devez publier, regardez ce que dit Scopus, regardez ce qu'il dit, vous devez produire. Et les doctorants, vous ne produisez pas assez. Donc, produisez. Donc, allons vers des... Et sinon, vous n'aurez plus de financement. Attention, hein, on coupe le robinet. Donc, l'idée, c'est produisez de la recherche. Et donc, beaucoup d'étudiants viennent nous dire, oui, alors attention, parce que les archives, la paléographie, etc., maintenant, nous, on ne veut plus trop y aller, hein, avec ces discours. Est-ce qu'il vaut mieux pas aller vers des choses plus contemporaines où on a tout par Internet? Donc là, la pression sur l'histoire immédiate, me semble-t-il, elle commence à arriver. Beaucoup d'étudiants nous sollicitent sur des sujets, hein, ou pour faire des thèses. Moi, je reçois des mails très régulièrement me disant « Monsieur, est-ce que vous voulez bien me diriger en thèse sur tel et tel sujet ?» Souvent, 9 coups sur 10, je dis non aujourd'hui. Hein, parce que cette histoire ne doit pas apparaître comme trop facile. Donc là, il y a une vraie pression sociale, hein, pour répondre aux questions qui étaient posées dans votre argumentaire. Je crois que c'est important de montrer un peu que cette histoire immédiate, elle doit être une histoire qui se construit avec la réflexion et le temps de l'historien. Deuxième pression sociale que je voudrais évoquer, sur le temps aussi, sur la pression du temps, tout simplement, c'est les... puisqu'on n'a pas trop parlé, c'est l'enseignement secondaire. Je crois que le but de l'association, c'est aussi de faire le lien avec l'enseignement et les programmes de l'enseignement. Je crois qu'on a là quelque chose d'assez important. On le sait, les programmes sont très bousculés ces dernières années, ils deviennent un enjeu politique majeur, et on inclut l'histoire immédiate de façon extrêmement importante dans un regard très politique. Alors, bon, j'y reviendrai peut-être quand je parlerai des périodicités, mais quand j'ai regardé quelques manuels ces derniers jours avant de venir de 3e et de terminale pour voir un peu comment était construite l'histoire immédiate de la France. Dans ces manuels. Maintenant, la plupart, c'est les années de Gaulle, les années Pompidou, les années Giscard, les années Mitterrand, les années Chirac, et on avance comme ça. Bon, voilà, c'est lié à quoi, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a une réflexion sur le temps, sur ce temps-là? Par contre, on nous dit qu'il faut comprendre le temps présent, il faut comprendre les évolutions, etc. Donc, là, je dirais que la construction des programmes du secondaire impose... Alors oui, on va travailler sur les années de Gaulle, sur les années Mitterrand, parce qu'il y a les archives, les colloques qui ont été organisés. Donc il y a une facilité, je dirais. Hein. Il y a une espèce de regard un peu que... Pas qu'impose l'enseignement secondaire, mais en tout cas que porte l'enseignement secondaire à travers ces programmes, qui induit un peu le travail de l'historien du très contemporain pour la France. Donc il faut s'en méfier un peu. Et je dirais qu'il faut que... La recherche scientifique arrive à prendre un peu de distance avec cette pression des programmes, avec cette construction très politique des programmes, et peut-être joue son rôle dans la réélaboration, la réflexion autour de ces programmes de l'histoire très contemporaine, en tout cas, tout au moins pour la France, hein, puisque je n'ai regardé que les aspects français. Enfin, dernier point, toujours sur la pression sociale. Bon, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, hein, sur les questions politiques tout à l'heure, et entrer... à la Russie ou au Brésil, mais il n'y a pas que l'histoire politique. Hein. Là aussi, donc dans le cas de ce que je vous ai dit sur l'Armagnac, on travaille sur, on a en gros un programme de recherche à l'université de Pau sur l'histoire des petits vignobles, qui a été construit il y a 4 ans, et 3 ans, et on a dit, c'est un programme qu'on construit pour 10 ans. Alors, nos collègues des autres périodes nous ont dit, les économistes, les géographes, non, sur 10 ans, vous n'y arriverez jamais. Si, on leur a dit, nous, on a besoin de temps. Et on est financé par des acteurs privés de la filière viticole, pour faire leur histoire, en fait. Pour voir, eux, ce qu'ils veulent, c'est comprendre leur insertion dans les marchés, donc dans une histoire très économique, et en même temps, dans la façon dont ils peuvent utiliser le patrimoine, l'histoire, pour valoriser leurs produits. Là, on s'est très vite aperçu, nos partenaires, et qui nous financent, hein, qui paient nos recherches, n'ont pas le temps de la recherche devant eux. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent un résultat rapide, vite, immédiat. Hein, ce qu'ils veulent, c'est, voilà, nous, on veut notre histoire, dites-nous ce qu'est notre patrimoine, faites-nous une synthèse, moi, voilà, en gros, moi, je vous donne le contrat, je vous paie, dans 6 mois, il me faut le résultat. Et nous, quand on les amène dans leur grenier, on leur dit, voilà, vos archives, hein, on a là un grenier d'archives entier, nous, on ne peut pas les puiser comme ça, prendre au hasard un document et dire, voilà, votre histoire, elle est là. Hein, on ne fonctionne pas comme ça. Mais nous sommes financés, nous vivons, nous avons des post-doctorants, nous avons des chercheurs, nous avons des thèses de bourse chiffres. C'est-à-dire qu'il y a une institutionnalisation de la recherche qui passe par ces biais-là et qui imposerait un temps de la recherche qui n'est plus le même que celui de la recherche fondamentale pour lequel nous avons besoin de temps. Donc là, il y a une pression sociale qui s'exerce, qui vient non plus de l'institution universitaire, qui ne vient plus de nos débats historiographiques à nous, qui ne vient plus de nos problèmes d'historien, mais qui vient aussi de la société, qui nous sollicite pour travailler dans tel ou tel domaine. Et on sait qu'il y a des cabinets privés aujourd'hui qui font de l'histoire, hein, ça existe, et qui produisent des travaux. Alors la qualité des travaux, elle répond à l'impératif du temps. Et là, il y a des confusions qui parfois s'installent et qui créent des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler parce que je crois qu'on est des historiens dans la société aussi. Enfin, dernier point pour conclure et pour essayer de laisser de la place au débat, le problème de la chronologie. Bon, l'histoire immédiate, le problème du temps. Bon, je l'ai dit en deux mots tout à l'heure pour le secondaire, je crois qu'il y a des... l'histoire immédiate a besoin de temps pour figer ses chronologies, ça a été dit pour le Brésil tout à l'heure. Bon, les chronologies sont variables, incertaines. Je conclurai en évoquant l'histoire de la Ve République, parce que j'ai participé à un jury de thèse mardi à Bordeaux, où l'étudiante travaillait sur la période de sur la Ve République, hein, 1958 à la fin des années 90. Cette histoire du socialisme, donc elle avait trois périodes, aucune originalité, 1958-1971, début de la Ve République, congrès d'Épinay du Parti Socialiste, 1971, Épinay, Mitterrand, 1981, Mitterrand au pouvoir, 1981, fin des années 90. Aucune originalité dans la chronologie. Pas un des membres du jury, alors tout le monde lui a dit, oui, on comprend, c'est commode, c'est parfait, c'est très bien ce que vous avez fait, etc. Mais tout le monde... Les cinq membres du jury ont remis en cause la chronologie en disant, voilà, on est figé sur une chronologie, mais attention, cette chronologie, il y en a un qui a dit, est-ce que 65, ça aurait pas été mieux, 58-65, mais il y a une justification scientifique derrière, l'utilisation des documents, etc., tout ce que l'on veut. D'autres ont dit, bah oui, finalement, la coupure 83-84, ça serait pas mieux que 81, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, voilà. Deuxième point, le prochain numéro des cahiers d'histoire immédiate portera sur la Ve République. Il y a 9 contributions, j'avais sollicité 9 collègues qui tous ont répondu favorablement, en leur donnant une certaine marge de manœuvre, un thème très large. Tous ont remis en question le problème de la chronologie, et des périodes, et des césures, et des dates, et des... Voilà. En disant tous, la chronologie n'est pas figée. Tous dans l'incertitude de cette chronologie. On a des articles sur les politiques urbaines, on a des articles sur les violences politiques des mouvements ultra, on a des articles sur la mémoire de De Gaulle, sur la mémoire de Léon Blum, etc. On a une diversifiée sur l'écologie politique. On a toute une série de textes qui tous s'interrogent sur la chronologie, sur la façon dont les chronologies ont été construites, car ces chronologies, finalement, sont perturbantes. Parce qu'on est dans un temps très court, où on n'a pas le recul, ce fameux recul, hein, de l'histoire contemporaine, et qui font que, on les bouscule, ces césures, on bouscule les ruptures, on bouscule les continuités, on recherche des césures en permanence, et on fait notre simple travail d'historien, finalement. Parce que ce que l'on fait là, on pourrait le faire pour d'autres périodes de l'histoire. Je crois que c'est notre métier d'historien d'interroger le temps, d'interroger, de bousculer ce temps. On fixe une chronologie, vous l'avez dit, 91 pour la Russie, et puis 91, on n'est pas sûr que soit, finalement, cette date soit très pertinente. Oui, on est systématiquement en train de réfléchir sur ce temps-là et de le réinterpréter, et c'est un peu notre problème. Et l'histoire immédiate, je pense, est comme les autres périodes de l'histoire. C'est une histoire contemporaine, bien sûr, mais c'est aussi... de l'histoire avant toute chose, et nous faisons notre métier d'historien avec nos sources, nos spécificités, nos méthodologies et nos interrogations qui portent sur ces problèmes de chronologie et de compréhension du temps. Et je dirais que ça ne nous empêchera pas de discuter de l'interprétation que l'on donnera des éléments. Aujourd'hui, on peut se tromper. Vous l'avez dit, sur le Brésil, sur la Russie, on réinterprète en permanence, mais on a fêté le centenaire de la Grande Guerre. Je crois que s'il y a des débats historiographiques en histoire contemporaine qui sont passionnels en ce moment, ou qui l'ont été ces dernières années, c'est d'abord sur cette période de l'histoire, plus que sur l'histoire immédiate. Donc, je crois que les historiens, leurs débats, pour l'histoire immédiate comme pour les autres périodes, ce sont des débats qui finalement sont assez similaires. Et c'est pour l'histoire immédiate, l'intérêt, c'est que c'est une histoire en construction, vous l'avez bien dit, et que c'est cette construction qui, je crois, est particulièrement intéressante pour ce qui nous concerne.